Prendre conscience de ce qui est ou de ce qu'on exprime quotidiennement, c'est un exercice qui amène certains individus à une phase d'observation. Maintenant, il faut toujours avoir à la conscience que lorsque on détermine ce qui est, on le fait toujours par le filtre de notre psychologie. Voyez-vous, l'homme psychologique aime, déguste le fait d'entendre parler de l'évolution de l'homme réel. Mais il se trouve qu'il existe deux mécanismes totalement différents d'évolution, un pour l'homme psychologique et un pour l'homme réel. Et dans la majorité des conférences que l'on va donner, on mélange les deux phases d'évolution en une. L'une, pour qu'elle soit efficace à l'homme psychologique, la phase qui s'adresse à l'homme psychologique, et l'autre, pour plaire à l'ego de l'homme psychologique, afin qu'il accepte plus facilement la vérité donnée à l'homme psychologique lors de la première phase. Autrement dit, on donne du sucre, en même temps, on donne ce que l'homme psychologique a de besoin. Et le sucre, c'est ce que l'homme psychologique veut avoir. Le fait de prendre conscience de ce qui est ou des expressions de tous les jours, on en prend connaissance et conscience à partir de notre filtre psychologique. Alors, ce n'est pas nécessairement la seule chose que l'on a à faire. Alors, la question, si j'ai compris un peu, l'exercice de prendre conscience de ce qui est, de nos expressions de tous les jours, est la seule chose à faire. La seule chose à faire en regard à l'homme réel, c'est d'être. Et être, quand on dit ça à un homme psychologique, ça ne veut rien dire. L'être psychologique ne peut être. Être exclut le temps, l'homme psychologique exclut l'intemporalité. Alors l'homme psychologique ne peut être. Parce que où il est psychologique, où il n'y a plus d'homme psychologique. C'est quoi l'effet de pression sanguine que l'on ressent lorsque je parle? Au cours de la première partie de l'exposé, j'ai reçu une terrible gifle et j'ai eu l'impression d'être réduit à néant. J'en ai le plexus complètement noué. Maintenant, je ne réagis plus et je laisse se revenir les choses d'elles-mêmes. Enfin, j'ai plusieurs questions d'ordre énergétique. Le phénomène sanguin ou le phénomène du nouage au niveau du plexus, le sang est l'un des gros transporteurs de l'énergie de l'astral. Son siège, un de ses sièges, du moins car il en a plusieurs, est au niveau du plexus. Et évidemment, l'homme psychologique s'identifie et son évolution se fait surtout par l'énergie qui est reliée à l'énergie vitale par l'intermédiaire d'un des plexus, en l'occurrence le plexus solaire. Alors, ce qui fait qu'évidemment, l'individu qui reçoit une gifle ou qui a certains phénomènes, c'est un individu qui aurait sans doute la probabilité d'arriver à la compréhension et d'arriver au discernement entre l'homme psychologique et l'homme réel d'une façon plus rapide. Maintenant, il peut en souffrir, ce qui peut l'amener à essayer de fuir la découverte de l'homme réel par rapport à l'homme psychologique. De toute façon, cela va opérer chez certains individus qui sont en affinité plus sensible avec le discernement entre l'homme psychologique et l'homme réel, des phénomènes de type astro qui peuvent se répercuter dans le plan physique de différentes façons. Une chose qui est évidente, c'est que l'énergie que les individus peuvent recevoir lors de certaines conférences dénote simplement deux choses. Elle dénote une progression de leur capacité à être sensibilisés à une énergie. et elle dénote aussi une réaction vive dans le domaine de l'ego par rapport à ce qui peut être communiqué. L'individu qui n'a pas de sensation existe de deux façons. Soit qu'il est suffisamment puissant pour pouvoir canaliser l'énergie, soit qu'il est insuffisamment évolué pour pouvoir être sensibilisé à l'énergie. On me demande ce que je pense des cours de psychologie. Toutes les formes d'enseignement psychologique qui existent présentement au niveau des universités et des cégeps sont toutes des formes d'enseignement psychologique arriéré, archaïque. L'évolution psychologique de l'homme dans l'enseignement est à peu près à l'âge de pierre. Alors, ce qui fait que les cours, de psychologie ne sont pas alésinés. Mais une chose qui est certaine, c'est que la psychologie qui est enseignée est une psychologie qui a tendance à vouloir faire en sorte que l'homme se cristallise dans des concepts psychologiques qui datent déjà de plusieurs années. Disons que la psychologie ésotérique est beaucoup plus en avance sur la psychologie contemporaine. Maintenant, évidemment, tout dépend des professeurs et tout dépend des individus. La psychologie de l'homme présentement bannit trop de phénomènes. De même que les autres phénomènes d'éducation bannissent trop souvent la psychologie. Alors, ce qui fait qu'une psychologie qui n'est pas capable de faire une relation entre d'autres formes de plan énergétique que le plan psychologique, ce qui est le rapport surtout avec la psychologie contemporaine, qui fera une relation entre la psychologie sexuelle et l'homme, entre une psychologie d'émotivité et l'homme, entre une psychologie d'expression d'émotivité, sans jamais comprendre des mécanismes même de l'expressivité de ces émotivités qui causent les problèmes que la psychologie tente de régler en poussant l'expression dangereuse de cette psychologie, de cette expressivité psychologique. Disons que l'enseignement de psychologie contemporaine, dans certaines phases d'études, permet de découvrir certaines choses, mais l'enseignement psychologique, de par lui-même, ne peut pas déterminer si un individu va être psychologue ou non. Et quand je dis psychologue, être capable de comprendre l'âme. Psychologie, étude de l'âme. Et quand je parle de comprendre l'âme, je parle évidemment de l'astral qui est l'âme. Comprendre les mécanismes globaux de l'astralité de l'homme. Alors, un individu qui ne suit pas de cours de psychologie peut être meilleur psychologue que la majorité des individus qui auront été cristallisés dans des concepts psychologiques inadéquats pour l'évolution de l'homme. Il y a évidemment quelques psychologues qui ont une certaine allure, mais leur psychologie ne vient pas de leur cours. Ceux qui ont des questions qui auraient à poser encore au niveau oral, alors vous n'avez qu'à collectionner les micros et à les poser. Première question. Présentement, est-ce que c'est tout simplement un individu qui fait ce bruit ou bien c'est quoi présentement? Qui pose la question? Qui pose la question, c'est moi. Moi, je veux me renseigner, savoir c'est quoi qui fait le bruit en haut. Fait le bruit où? T'entends pas? T'as-tu une autre question? Pas de réponse. Qui veut savoir ça? Quand un individu connaît la réponse à quelque chose, l'homme psychologique qui l'habite peut avoir tendance à chercher une accréditation à sa réponse intellectuelle ou mentale. Bien souvent, les individus ont toutes les capacités en eux pour arriver à comprendre, à résoudre plusieurs problèmes. Mais l'être psychologique a une tendance incroyable lorsqu'il a la possibilité de ne pas avoir à se servir de son corps mental, donc lorsqu'il a la possibilité de ne pas avoir à réfléchir, de se servir de cette possibilité. Alors, si l'énergie mentale se met à travailler, la réponse à la question vient. Par contre, si une énergie extérieure peut donner la réponse à la question, l'énergie de l'homme psychologique tentera de ne pas se servir de sa faculté mentale pour aller quémander la réponse à l'extérieur. Et c'est un processus d'aberration extrêmement important à bien saisir. Il y a des questions que l'on doit poser pour pouvoir clarifier notre pensée. Mais l'on doit évidemment prendre conscience que certaines choses que certains individus sont aptes à pouvoir découvrir de par eux-mêmes s'ils recherchent, s'ils ont la possibilité de ne pas avoir à rechercher et à poser la question, ils la poseront quand même. Ce qui, évidemment, est un processus dangereux parce qu'il permet à l'énergie de l'astral individualisé de pouvoir sauter par-dessus la possibilité mentale de pouvoir raisonner une réponse. Autrement dit, l'individu qui a la capacité de pouvoir planter un clou dans un mur, s'il rencontre une personne qui est spécialiste dans le plantage de clous, elle va lui demander de planter son clou. Et s'il n'y aurait pas de spécialiste, elle serait capable de planter le clou. Et c'est en plantant des clous qu'on devient spécialiste. Mais la psychologie de l'astral se complaint à ne pas avoir à dépenser d'énergie là où elle n'a pas réellement la maîtrise. L'énergie de la psychologie de l'astral maîtrise le mental en le colorant, mais il ne devient pas le mental. Évidemment, je parle du mental psychologique, de l'homme psychologique. Alors, si la psychologie peut être capable de se rassurer, de remplir une mémoire, de vivre une expérience, en ne passant que par l'expressivité de sa propre psychologie, sans avoir à se servir de la psychologie mentale ou supramentale, elle le fera. Ce qui amène l'énergie psychologique, mentale ou supramentale, à ne travailler qu'avec un minimum de temps, avec un minimum de possibilités pour les empêcher d'arriver à se développer et les empêcher à arriver à pouvoir faire en sorte à un moment donné qu'ils donnent des informations dangereuses à l'ego, informations lui disant qu'il n'est pas ce qu'il croit qu'il est. Alors, ce qui fait que pour éviter l'évolution exagérée, dangereuse pour l'ego, des plans mentaux et supramentaux, l'énergie de la psychologie astrale va chercher à ne pas répondre à des questions, mais à poser les questions pour en avoir la réponse d'un autre. Exactement comme la psychologie de l'astral paresseuse va vouloir se servir d'une calculatrice au lieu de faire le calcul mental par l'énergie mentale, parce qu'elle permet au mental de travailler, ce qui est dangereux pour l'évolution de la psychologie astrale. Donc, la psychologie astrale va avoir tendance à donner l'impression à sa propre personnalisation que le mental est paresseux. Bref, ça ne me tente pas de calculer. L'énergie astrale ne lui tente pas que l'énergie mentale calcule. Et on prend la pitonneuse, on fait nos calculs dessus et on a la réponse. Ce qui ôte une possibilité à l'énergie mentale de pouvoir se raffiner. Ce qui est dangereux pour la personnalisation de l'ego. Alors, ça répond à ta question. Une autre question? Oui. Le mental, là, lorsqu'il analyse, pas analyse, mais qu'il observe, on ne le sent pas lorsqu'il analyse, comme la psychologie qui va analyser. C'est-à-dire que si le mental observe un phénomène astral et que l'être psychologique se rend compte qu'il est en train d'observer, en réalité, la parcelle astrale de l'homme psychologique est en train d'observer que le mental était en train d'observer l'astral. L'astral observe que le mental observait l'astral. Et si l'être qui observe ne découvre pas qu'il observe et qu'il est en réelle phase d'observation, il est en train de se rapprocher du moment d'être, donc il est en train de faire un travail permis, non pas à l'homme psychologique, mais permis à l'homme réel, celui d'observer. L'homme psychologique ne peut observer qu'une mémoire, donc il n'observe jamais une réalité vivante. Et quand l'individu arrive à s'observer dans l'instantanéité d'une expression, donc dans le vivant, il est dans l'état d'être, et il est donc en train de laisser l'être réel évoluer, donc observer. C'est pourquoi l'observation dans l'évolution de l'homme est un mécanisme extrêmement utile, plaisant, parce qu'il permet à l'être humain, sans un paquet d'explications spéculatives ou conceptuelles, d'arriver à un état d'être, dans l'instantanéité. L'être qui s'observe réellement et qui ne sait pas qui s'observe est dans l'intemporalité. Le temps ne compte plus pour lui, le temps ne passe plus. Il est vivant, il est réel, il est ici et maintenant. Il observe les problèmes chez l'homme psychologique. L'homme réel observe les problèmes chez l'homme psychologique. L'homme réel va donc être capable, immédiatement, vu qu'il n'est pas coloré, de placer le bon plan en phase d'observation, le plan qui peut régler le problème de l'homme psychologique. Si c'est le plan de l'astral, l'astral de l'homme réel observera l'homme psychologique. Si c'est le plan du mental ou du supramental, ce plan-là se mettra en état d'observation. Il observera l'homme psychologique pour en détecter le problème. Détectant le problème, il comprendra. Comprenant, ce sera mémorisé et automatiquement l'observation disparaît. L'homme psychologique récupère la mémorisation de l'observation de l'être réel et il s'en accaparera pour essayer de s'en servir, excluant, encore une fois, l'être réel. Mais si un individu s'observe et qu'il observe qu'il s'observe, c'est que c'est la mémoire de l'astral de l'homme psychologique qui est en train de triper, donc de s'amuser, de jouir, qui est en train d'observer dans ses mémoires qu'il y a quelques millièmes de seconde, une parcelle de lui qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut connaître vu qu'elle ne fait pas partie de l'homme psychologique mais de l'être réel, était en phase d'observation d'un problème chez lui-même. L'être évolue sous deux plans parallèles. Il y a l'évolution de l'homme psychologique et il y a l'évolution de l'homme parallèle. Quand on est en phase d'observation, on est en relation directe avec l'expression même dans la matière de l'être réel et de ses phases expérientielles et de ses phases évolutionnaires. Si l'individu ne s'observe pas, si l'individu n'est pas dans un état d'être, l'individu est dans un état de relation avec ses mémoires et avec l'idéologie, la conception personnalisée qu'il a de lui-même. Donc, l'ego s'observe lui-même. Et comme l'ego est bâti par une densification astrale de différents plans, l'ego est donc capable d'observer le plan physique, le plan vital, le plan mental. En réalité, il n'observe que la mémoire colorée par lui-même des expressivités de ses plans. Au sujet des réincarnations, est-ce que ça coule, est-ce que ça recouperait un petit peu là, ce que tu viens d'expliquer? Quand on se demande, quand on se réincarne, qu'est-ce qui se réincarne? Des fois, on a l'impression que si c'est ce qu'on est en mémoire, on peut penser que c'est nous autres, puis c'est le reste de l'astral. On pense que notre mémoire, quand elle se défait dans la Terre, celle qu'on va retrouver, c'est plus celle qu'on avait avant. Au point de vue astral, c'est peut-être plus non plus la même chose, ce qu'on retrouve. C'est peut-être d'autres mémoires qui n'étaient pas vraiment les nôtres. Puis, au sujet de d'autres plans, comme d'autres plans, ça n'a pas de réflexion et de mémoire. Et ce n'est pas des plans dans la mémoire, un plan dans la mémoire. Mais à ce moment-là, on n'a pas l'impression qu'on ne peut pas savoir que ça revient. Alors, se réincarner, ça suppose des mémoires, j'ai l'impression. Alors, en réalité, est-ce qu'on se réincarne ou si on ne se réincarne pas? Bon, lors de la conférence sur la réincarnation, j'ai expliqué en détail les processus de la réincarnation de l'homme collectif. La personnalité de l'homme, la mémoire de l'homme, ce qui fait que l'homme est homme, est cette chose qui a peur de la mort. Parce qu'une fois le corps physique disparu, elle ne sait pas si l'identification qu'elle a d'elle-même va rester. Donc, si l'identification qu'elle a d'elle-même disparaît, automatiquement, qu'elle soit vivante ou non, si elle ne le sait pas, elle est morte. Si tu es légume, c'est comme si tu étais mort. Tu ne sais pas que tu vis. Et dans la réalité des choses, l'être humain se réincarne, mais l'être humain meurt et ne se réincarne pas. Après la vie que tu vis présentement, il n'y aura plus rien de toi. C'est-à-dire que l'homme psychologique, celui qui est toi-même, lui est digéré. Il est détruit par l'astral planétaire, il est digéré par l'astral planétaire. au même titre que le corps physique. Et quand tu vas reprendre un corps physique, ce n'est pas le même corps physique que tu as laissé, parce que lui est complètement réassimilé par le plan planétaire. Par contre, dans l'être réel, ce qui est mémoriel au niveau de l'être réel reste global et authentique. Il n'est pas destructible, par contre, il n'est pas identifié. Tu n'en as pas connaissance. Mais de toi-même, il ne restera rien après ta mort, car tu seras réintégré, digéré par le plan planétaire, l'homme psychologique est détruit. Les affinités vibratoires de l'homme psychologique, d'un être psychologique, vont être mélangées avec d'autres hommes psychologiques qui ont des affinités vibratoires similaires. Et lors d'une réincarnation de l'être réel, il y aura affection ou affectation du nouvel homme psychologique pluralitaire mélangé avec l'expressivité de l'être réel. S'il y a 15 êtres réels qui renaissent, il y aura 15 fois le mixage de l'homme psychologique, des hommes psychologiques pluralitaires qui seront affectés à l'être réel en essence. Autrement dit, toi, comme tu es présentement, tu n'existeras plus. Et c'est une chance, sinon il n'y aurait aucune évolution dans le plan planétaire. Tu resterais ce que tu es et tu aurais toujours les mêmes problèmes sans jamais penser les améliorer. C'est extrêmement, disons, regrettable pour l'ego qui découvre qu'à un moment donné, il n'existera plus. Maintenant, tout ce que l'ego veut avoir dans son plus profond de lui-même, c'est ce qu'il aura. Mais il devra perdre ce qu'il a déjà. Alors, autrement dit, ton corps physique a des lacunes. Si toi, tu veux renaître avec ton identification, tu espères bien renaître dans un corps physique qui sera amélioré. Et en cela, ça va. Mais l'identification du corps physique, tu t'en fous royalement. Lui, il doit être mélangé à d'autres corps et le corps qui là présentement doit pourrir, on doit avoir un corps meilleur dans lequel moi, l'homme psychologique, je vais pouvoir prendre place. Puis la psychologie du corps physique, elle, on s'en fout. Mais c'est la même chose pour la psychologie du supramental, qui se fout royalement de la psychologie de ton astral. Et pour qu'il y ait évolution de la psychologie de l'astral que tu ne connais pas, pourquoi? Parce que tu es un homme psychologique, un être psychologique, bien, il doit y avoir évolution du cadre psychologique. Donc, même processus que pour le corps physique, dissolution complète pour pouvoir recréer, de par une mémoire génétique, un mixage d'êtres réincarnatifs pluralitaires qui vont donner une psychologie plus adéquate à la réception d'énergie supramentale. Donc, il y a évolution. Autrement dit, ceux qui disent qu'il n'y a rien après la mort ont raison. Et ceux qui disent qu'il y a réincarnation ont aussi raison. Les uns parlent de les lois régissant l'évolution de l'homme psychologique, il n'y a rien après la mort. Et les autres parlent des lois régissant l'évolution de l'être réel, et il y a réincarnation après la mort. Et dans la conférence de la réincarnation que j'ai faite, donc qui est enregistrée sur cassette, on peut prendre conscience de l'explication des lois régissant l'être réel expliquées à des hommes psychologiques. Et c'est tout à l'heure ce que j'expliquais, lorsque je vous disais que dans la majorité des conférences qui sont données par des énergies qui sont en relation avec l'énergie supramentale, on parle des lois régissant l'être réel et on l'explique aux hommes psychologiques. Ce qui fait que plusieurs choses qui sont d'une réalité sont une illusion pour l'homme psychologique car elles ne s'adaptent pas à l'homme psychologique. Mais elles sont une réalité fondamentale de l'évolution. L'homme qui serait de la sixième race. L'être réel qui est de la sixième race. Oui, l'être réel qui serait de la sixième race. Lui, est-ce qu'il pourrait avoir une certaine conscience qu'il y a quelque chose de lui qui va se réincarner dans une vie ultérieure? Parce que nous autres, de notre réalité psychologique, on peut dire, là, ça ne se réincarnera pas. Mais il y a peut-être sur d'autres plans des réalités qui s'incarnent, mais dont on n'a pas conscience dans le moment parce qu'on n'est pas suffisamment évolué. Vois-tu, la question que tu me poses là, elle est posée par l'homme psychologique qui essaie un jour de pouvoir transposer la méconnaissance de son identification en un tout, en un homme psychologique pluralitaire qui lui permettra de rester homme psychologique mais de penser qu'il n'en est plus un et il veut savoir si ça va pouvoir être réincarné. Non. Autrement dit, la conscience de se réincarner, au fond, c'est de la conscience que d'en savoir plus long que le bout de son nez. Non. Ça veut dire qu'on... On va toujours être devant un mur puis qu'on sera... La réelle conscience, la conscience absolue, c'est l'état d'un individu évolutif réel qui exprime une réalité dans les plans conséquentiels à leur expression et à leur nature, et c'est l'état d'un individu qui n'est pas temporalisé et qui n'est pas psychologique. Cet individu possède donc une espèce de psychologie, psychologie qui va être fusionnaire à un moment donné, psychologie très intrinsèque à chacun des plans, donc ce ne sera pas une psychologie de l'astral qui essaie d'englober tous les plans, mais des psychologies différentes, ajustées par les ajusteurs, personnalisées, adaptées à chacun des plans, qui seront en relation, eux, et qui donneront à l'individu une espèce de personnalité évolutive, une personnalité supramentale qui lui permettra à cet individu-là de ne pas se réincarner car l'individu ne mourra plus. Dans le processus de mort, il n'y a que processus de diffusion de la conscience de l'être humain, processus de digestion de la conscience d'un être humain, processus de digestion de l'identification de la conscience de l'être humain. L'être humain qui arrive, comme tu parles, des êtres du verso de l'être réel, cet être-là n'aura plus à vivre le processus de mortalité et de réincarnation. S'il y a mortalité, il y a automatiquement digestion des plans au niveau de l'identité personnalisée de l'individu. S'il y a mortalité, il y a donc être psychologique. S'il y a immortalité, il n'y a plus d'être psychologique. Il n'y a que l'être réel qui n'a plus besoin, pour se protéger dans sa phase évolutive, de la mortalité qui oblige la dissolution irréversible du plan d'identification de l'astral. Autrement dit, s'il n'y a pas mortalité chez un individu qui est un homme psychologique, il n'y a plus d'évolution de l'homme psychologique, il n'y a que énergisation de son plan d'évolution psychologique. Mais il n'y a pas d'évolution de l'homme réel. Alors, pour éviter ce processus, l'être humain est placé dans un contexte, les énergies intelligentes, lorsqu'elles ont pu découvrir, lorsqu'elles ont pris connaissance que l'homme avait eu une première, décadence, et une deuxième, avec le contact de l'arbre du bien et du mal, ont rendu l'homme mortel. C'est-à-dire que l'homme, de l'état d'immortel qu'il était, il est devenu mortel. Mortel pourquoi? Parce que c'était la seule possibilité à l'être humain de pouvoir évoluer. Celui d'évoluer par le contexte des mortalités et des renaissances qui obligeaient l'identification de l'homme psychologique à être totalement détruite lors de chaque mortalité pour permettre une évolution de ces hommes psychologiques dans un mélange interraciaux, interpersonnalisé, comme les mélanges physiques au niveau de la génétique. Lorsque l'individu arrive à vivre, à exprimer l'être réel et non pas un être psychologique, il n'a plus besoin de la phase de réincarnation et de mortalité, alors automatiquement, il est immortel, tant qu'il a besoin d'un corps physique. Alors, ce qui fait que l'individu du Verseau qui meurt se trouve à être désintégré psychologiquement, au même titre que l'individu du poisson. Et l'individu qui est dans un état réel, quel que soit l'air zodiacal dans lequel il évolue, ne meurt plus. Un individu qui ne meurt plus est un individu réel. On en connaît quelques-uns selon les traditions ésotériques, et il y en a quelques-uns qui sont présentement vivants sur la planète, qui ont repris possession d'un corps, mais qui ne sont jamais morts. Or, le Nazaréen n'est jamais mort. Il est mort un certain temps, il s'est ressuscité, c'est-à-dire qu'il a pu conserver suffisamment d'énergie vitale autour de sa corporalité physique pour qu'il ne se passe rien. Il a finalisé une espèce de perfection de tous les plans dans son être réel qui n'était pas suffisamment évolué pour pouvoir opérer une fusion de tous les 7 plans d'évolution de l'homme. Il est revenu prendre possession de son corps qui est un corps physique. Il a finalisé la perfection de son corps physique, la perfection de son corps vital. Il a désintégré le corps physique. C'est pourquoi on ne l'a jamais retrouvé dans la grotte où il a été placé. Et après, il a simplement finalisé la construction d'un corps au niveau du plan supramental, corps avec lequel il a continué son évolution. Si on prend l'exemple de Lazare, du comte de Saint-Germain, il a passé par les mêmes processus, mais lui n'a pas fusionné comme le Nazaréen l'a fait. Le comte de Saint-Germain n'est pas une personne fusionnée. Et c'est son avantage, et c'est pourquoi il est celui qui dirige tous les grands maîtres. Et quand je dis qu'il dirige tous les grands maîtres, disons qu'il empêche les grands maîtres de faire des conneries. En cela, il les dirige. Alors, ce qui fait que certains individus présents ne se réincarnent plus, car ils ne meurent plus, même s'ils n'ont pas atteint le degré de la fusion. Lazare est un être planétaire. Le comte de Saint-Germain est un être planétaire. Le Nazaréen n'est pas un être planétaire. Ce qui fait que tous ceux qui sont des êtres planétaires se doivent, ils sont immobilisés par l'évolution de la planète, donc ils doivent arriver à faire en sorte que la planète évolue pour qu'eux puissent se libérer. Le Nazaréen est une entité qui est beaucoup plus galactique que planétaire. Maintenant, l'évolution du contexte planétaire faisant partie de l'évolution de sa propre galaxie, l'évolution planétaire était importante. Si la planète n'évolue pas, le contexte galactique ne peut évoluer et le Nazaréen non plus. Ce qui a obligé le Nazaréen à devoir faire un tour sur la planète Terre pour aider, disons, pour pouvoir parfaire sa propre évolution, ce qui a eu comme conséquence intelligente d'augmenter le faisceau d'énergie braqué sur la planète Terre au niveau des ajusteurs de pensée et de l'énergie supramentale. Présentement, le Nazaréen vit une phase totalement différente de ce qu'il a vécu, et le comte de Saint-Germain, qui est le legs réel des énergies, disons, du Nazaréen dans le plan planétaire, ce n'est pas Saint-Pierre et l'Église qui ont reçu réellement le legs des énergies du Nazaréen. Pierre a renié trois fois. Quand le corps mental commence à devenir... Non, parle comme tu as parlé, étant donné que c'est l'être psychologique qui pose la question. Okay. Je faisais juste faire la différence entre un et l'autre. OK. Quand le corps psychologique commence à devenir conséquentiel, bon, en fait... Ouais, c'est ça, ça me mêle tout, là. Et je sais. Je sais plus que ça. Quand tu deviens conséquentiel. C'est ça. Quand on pense devenir conséquentiel. Bon, OK. est-ce que... Les premières fois, là, est-ce que l'individu vit ça par des flashs? Bien, pas juste des flashs. Quelque chose qui se passe dans son expérience de vécu qui perçoit comme tout à fait nouveau. C'est parce que j'ai vécu quelque chose cette semaine à deux reprises, puis je me demandais si c'était ça ou pas ça. L'individu qui vit des flashs de temps en temps, c'est un individu simplement qui a une augmentation de sa sensibilité à recevoir différentes nouvelles formes d'énergie mémorielle, de l'astral, astral supramental ou astral mental. Donc, l'individu va vivre certains flashs qui peuvent se répercuter de différentes façons, comme ceux que tu as eu au courant de la semaine, ou comme différentes autres façons qui peuvent se répercuter chez différents individus. L'idée même, c'est que la sensibilité étant accrue par l'augmentation du plan vibratoire de l'homme psychologique, donc plan vibratoire de l'astral, par dynamisation ou avec les énergies supramentales de l'astral, automatiquement, l'individu a une sensibilité plus accrue, qui lui permet de temps en temps d'être en contact, de rentrer en contact avec les énergies mémorielles supramentales de l'astral planétaire. Ce qui lui ouvre des portes d'une façon complète à un moment donné. Ce que je veux dire, là, c'est pas comme une perception d'énergie, là. Non, non. C'est comme quelque chose qui amènerait un changement dans la façon d'agir. Oui, c'est ce que dans je dans la manière de vivre. Mm-hmm. J'ai l'impression que ces flashs-là, ça m'engage dans une autre manière de vivre, veux pas. C'est comme si ça va être une nouvelle voie à suivre. Mm-hmm. C'est le processus quand même d'énergisation supramentale au niveau de ta sensibilité. C'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Maintenant, il faut toujours voir la différence entre l'homme psychologique, et ça, c'est quelque chose que vous devrez travailler d'une façon... selon votre façon, mais une chose qui est certaine, c'est que l'homme psychologique n'évolue pas. Il n'a que l'impression qu'il évolue parce qu'il copie l'évolution de son être réel. Justement, pour sortir de ce fameux piège-là que tu sembles mettre en évidence, puis qu'on voit avec notre intellect, notre psychologie, on en revient à un moment donné de toujours se faire brasser les oreilles à chaque fois. Puis... Ben, c'est encore peut-être de la psychologie là, que j'exprime. Il n'en reste pas moins qu'il doit avoir, il y a des processus, disons, d'évolution, comme peut-être, je perçois, moi en tout cas, le PMC, comme un processus pour peut-être arriver à être. Et pour le moment, qu'est-ce que je peux faire tous les jours, moi, pour arriver à être un peu plus? Bon, le programme Être Contrôleur, le PMC, est conçu pour des hommes psychologiques, de façon à les obliger à faire évoluer leurs différents plans ce que tout à l'heure j'ai expliqué. Et si tu me demandes si le PMC est quelque chose qui est suffisant, si le PMC est fait d'une façon conséquentielle et qu'un individu profite de l'occasion pour réellement travailler et non pas pour apprendre, pour se créer une espèce de snobisme, comme quoi il a suivi le cours, ben effectivement, le PMC a été bâti en fonction des hommes psychologiques, en fonction d'un enseignement collectif pour les amener à être, à un moment donné, un être réel, donc pour les amener à détruire leur forme psychologique. Alors évidemment, ça répond à la question. Ma question recoupe un petit peu peut-être la sienne. C'est que aujourd'hui, quand tu parles, comme aujourd'hui, là, tu parles à l'homme réel en nous ou l'homme psychologique? À l'homme psychologique. Une autre facette. Ce que j'en retiens de ça, okay, le plus important peut-être, qui m'enrichit, là, c'est te réenchérir l'importance de l'observation. Puis là, j'allais me poser la question, quand on observe, qu'est-ce qu'on en fait de cette observation-là? Là, je sais que c'est l'homme psychologique qui pose cette question-là. Là. Puis c'est lui qui va aussi, justement, vouloir savoir quoi en faire. Une fois que l'être réel a observé, qu'il a mémorisé ma lacune, moi, l'homme psychologique, je m'empare de l'observation de l'être réel et j'essaie de corriger ma lacune pour me donner l'impression que je continue à évoluer. Voilà. Le doute là-dedans, où est-ce que tu le places? Là? Le doute, c'est encore un phénomène donné à l'homme psychologique pour l'obliger à douter de lui-même. Donc, le doute devient donc salutaire, purificateur, mais le doute ne s'adresse évidemment pas à l'être réel. Donc, quand je doute, je sais qu'en moi, ce qu'il est en train de douter, c'est l'homme psychologique. Automatiquement. Et c'est lui qui peut aimer douter, piège du doute. Et c'est lui qui peut avoir peur de douter, force salvatrice du doute. Parce que l'homme psychologique, l'être humain est compliqué, hein? On le sait, ça. Le corps physique de l'être humain est compliqué, tu le sais. Mais l'être psychologique est bien plus compliqué que le corps physique. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, à un moment donné, la psychologie de l'homme qui essaie de s'en sortir recherche des chemins faciles, et quand elle découvre qu'effectivement c'est compliqué, elle finit par en être angoissée, tannée. Ce qui va la pousser peut-être à essayer de chercher une démarche qui va lui vendre la facilité d'évolution. 2-3 techniques respiratoires et dans 5 ans d'ici, vous allez atteindre le nirvana. Bon. L'idée, c'est que ça ne se passe pas comme ça. L'évolution est extrêmement facile. La relation entre l'évolution de l'être psychologique et de l'être réel se fait seulement si l'être psychologique arrive à admettre et à bien comprendre qu'il est psychologique. Même s'il n'arrive pas à se débarrasser complètement de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se suicider, il peut quand même être capable de vivre en relation avec l'être réel pour se servir de l'être réel, ce qui est déjà arrivé chez certains individus, pour se servir de l'être réel comme d'un guide qui vient l'aider et qui répond à ses questions. Ce qui amène certains individus évolutifs à être capables d'entrer en relation, non pas avec l'ajusteur de pensée, mais avec leur guide réel, c'est-à-dire avec leur être réel. L'homme psychologique parle à l'homme réel, et l'homme psychologique qui ne peut pas résoudre un problème, fait un retour à l'intérieur, pose la question, laisse l'être réel lui-même répondre, il comprend la réponse et il l'applique. En ce sens, il y a relation évolutive entre l'être réel et l'être psychologique qui permet aux deux individus d'évoluer. Mais il n'empêche pas que l'être psychologique continue à nuire à l'évolution de l'être réel, mais il y a accélération du processus d'évolution sur des deux individus. De l'évolution pour l'être psychologique, finalement, c'est sa désintégration, tu veux dire? C'est sa désintégration. Oui, son suicide. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, on parle à certains guides qui sont notre être. Parce qu'il faut bien penser que l'ajusteur de pensée qui est le plus vendu présentement, ou celui qu'on a parlé le plus, celui que l'être humain l'homme psychologique, quand on vous dit essayez d'entrer en contact avec votre ajusteur de pensée, pratiquez-vous à entrer en contact avec votre ajusteur de pensée, celui qui va ajuster votre pensée sera votre être réel. Et non pas l'ajusteur mental. Et l'être réel va ajuster votre pensée, mais non pas la descente de l'énergie supramentale. Et la pensée ajustée en relation avec l'évolution de l'être réel va permettre la descente d'énergie supramentale dans l'être réel et non pas dans l'être psychologique. Ce qui revient au même en ce qui concerne l'évolution. Alors, vous habituez à communiquer avec votre être réel, c'est, selon ce qu'on peut dire, vous habituez à entrer en relation avec votre ajusteur de pensée. Mais ce n'est pas l'ajusteur mental. Ce n'est pas l'ajusteur de pensée qui va servir d'intermédiaire entre le plan supramental de l'homme et le plan mental de l'homme. Bonne différence. L'ajusteur de pensée entre le plan réel et le plan psychologique. C'est l'homme psychologique qui doute. Est-ce que c'est aussi l'homme psychologique qui essaie d'avoir du discernement? Ah oui. C'est pareil, hein? Ah oui. Merci. Celui qui est en démarche, c'est l'homme psychologique. Celui qui croit ou qui doute, c'est l'homme psychologique. L'être réel, jamais. L'eau ne doute pas qu'on met de l'eau quand on met de l'eau dedans elle. Et si on met une brique dans un vase d'eau, l'eau ne doute pas. Si l'eau est identifiée à la brique, à l'eau, à la chaudière, quand on met une brique dedans, l'eau peut croire que c'est de l'eau qu'on vient de mettre, ou peut douter que c'est de l'eau parce que c'est une brique. Mais il ne peut pas connaître la brique parce qu'il s'identifie lui-même aussi à la brique. Si l'eau s'identifie à l'eau et à la brique, elle ne peut connaître ni l'eau ni la brique. Elle ne va en connaître qu'une interprétation synthétique, ce qui est l'homme psychologique. L'homme psychologique s'identifie à la phase physique, vitale, astrale, mentale et supramentale. Il ne peut rien connaître de ces phases-là. J'en viens à observer que je me pose la question, mais finalement, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Puis, non seulement il n'y a rien à faire, mais je veux dire... Boire de l'eau, oui. Mais il faut bien remarquer qu'il n'y a rien à faire et c'est l'homme psychologique qui parle. Oui, mais il y a quelque chose à faire. Oui, mais ce n'est pas l'homme psychologique qui doit le faire. Puis c'est quoi ça? Parce que là, moi, ce que j'ai à faire, là, pour moi, là, ce qui m'apparaît le plus essentiel dans tout ce que j'ai vécu, mais à venir jusqu'à maintenant, c'est d'être ici. Mm-hmm. Puis de recevoir ou d'être implanté. Parce que ta psychologie qui a des problèmes n'arrive pas à pouvoir résoudre le problème. Ne pouvant résoudre le problème, elle se met en relation avec l'être réel qui a été retardé dans son évolution par l'évolution de l'homme psychologique. L'être réel pouvant commencer à opérer, ou l'ajusteur de pensée entre l'être réel et l'être psychologique, pouvant commencer à être opérationnel, il va donc se mettre en recherche de ce qu'il a de besoin pour pouvoir évoluer. L'énergie nécessaire. Cette énergie va donc te pousser ici, et l'être psychologique rendu ici découvre qu'il a des réponses. C'est-à-dire qu'il découvre que l'être réel a recommencé son cheminement évolutif, qui est énergétique. Découvrant cela, il se rend compte qu'il a, psychologiquement, qu'il y a un avantage de venir ici. Il ne comprend pas l'avantage, mais il sait qu'il y en a un. Parce qu'il a maintenant des réponses. Réponses données par l'être réel, et l'être réel vient s'énergiser en énergie, donc, ici. Quand on parle, la parole va à l'être psychologique, mais l'énergie va à l'être réel. C'est pourquoi l'énergie est beaucoup plus importante que la parole. Parce qu'à un moment donné, l'énergie va se transformer en compréhension chez vous. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cela? Je veux simplement dire que l'énergie chez l'être réel va augmenter le potentiel évolutif de l'être réel qui va être capable de donner des explications à votre homme psychologique. Donc, l'énergie se transforme en connaissance dans l'homme psychologique. La connaissance n'existe pas dans l'homme réel. Elle n'existe que par interprétation de l'énergie en connaissance chez l'homme psychologique. Alors, qu'est-ce que tu as à faire? Bien, évidemment, suivre ce que ton être réel veut que tu fasses, autrement dit, va à l'endroit où l'énergie lui permet d'évoluer, jusqu'à un moment donné où tu ne pourras plus vivre cette énergie-là. Pourquoi? Parce que l'être psychologique va se remettre en marche, il va bloquer l'évolution de l'être réel, et l'énergie que l'être réel a besoin ne fit pas avec l'être psychologique. L'être psychologique va vouloir filtrer cette énergie-là, elle n'ira pas avec lui, donc elle n'ira plus avec l'être humain. Alors à un moment donné, tu risques de ne plus venir ici. Pendant un laps de temps, qui va aller jusqu'à ta mort, ou pendant un laps de temps de quelques mois, quelques semaines ou quelques années, où à un moment donné, tu vas avoir besoin de cette énergie-là. Pour les mêmes processus qui t'ont amené ici la première fois. Étant donné que c'est la curiosité de notre ego, le désir d'évoluer, puis tout ça qui nous pousse à venir ici ou à des places comme ici, on pourrait quasiment dire que pour se faire énergiser, pour faire énergiser en tout cas notre personne réelle, on pourrait quasiment dire que cette personne réelle-là en nous est dépendante un petit peu de la personne psychologique pour évoluer. Totalement. Il y a une dépendance entre les deux. Elle n'est pas dépendante en ce sens qu'elle n'en a pas de besoin. Par contre, elle est freinée par elle. Elle est aidée aussi? Elle n'est pas aidée, elle n'est que freinée. Si l'être psychologique disparaît complètement, automatiquement l'être réel a toutes les énergies qu'il a besoin dans l'instantanéité. Vu qu'il y a l'être psychologique qui filtre l'énergie qui rentre dans l'être réel autant que dans sa propre identification, elle va de temps en temps permettre à différentes énergies de pouvoir énergiser l'être réel. Si ton être réel a besoin d'une forme d'énergie de type tellurique pour l'être réel au niveau du plan vital et que ton être psychologique déteste la forêt parce qu'il en a peur, il ne va pas dans la forêt. La journée que ton être psychologique est suffisamment magané, défaite, perdu, doutant, il se réfère à son être réel. L'être réel a besoin présentement comme énergie de l'énergie de type tellurique qu'on pourrait rencontrer dans les forêts. Alors automatiquement, tu vas faire un tour dans la forêt, l'être réel se sent mieux au niveau énergétique vital. Automatiquement, l'être psychologique bénéficie de l'évolution de l'être réel. Automatiquement, il se sent mieux. Et il croit que la forêt le rend mieux. Donc, il va continuer à aller dans la forêt. Mais s'il n'y aura pas eu d'être psychologique, il y a belle lurette que l'individu réel aurait été dans la forêt. L'être psychologique nuit à l'évolution et se sert de l'être réel pour se dynamiser, pour parfaire son identification. L'être psychologique est dépendant de l'évolution de l'être réel, mais l'être réel est limité par l'évolution de l'être psychologique. La relation s'arrête là. Donc moi, petit être psychologique, par ma curiosité et mon désir psychologique de vouloir évoluer, je viens ici, en fait, pour énergiser mon être réel, qui, lui, finalement, par feedback, va satisfaire un petit peu l'insécurité de mon ego, moi, ma personnalité psychologique. Tu peux venir pour deux raisons. Je suis manipulé de tous les bords. Ah, officiel! Tu peux venir de deux raisons. Tu es encore plus manipulé que ça. Tu peux venir de deux raisons. Venir pour la raison que tu viens de donner ou venir simplement parce que, présentement, ta psychologie, l'homme psychologique que tu es, n'a pas besoin de l'énergie de l'être réel, il n'a besoin que de la parole, de l'orateur. Alors là, il y a intellectualisation et non pas évolution. Mais veut pas l'être réel bénéficier de l'énergie de l'orateur quand même. Mais c'est pas la même chose qui t'amène ici. De toute façon, de l'énergie quand même. Même si elle est filtrée, l'énergie n'est pas filtrée, la connaissance l'est. Et l'expressivité de l'énergie de l'être réel dans le plan de la matière, elle est filtrée par par l'homme psychologique. C'est ça. Alors, autant mal pris qu'on est, on n'est réellement pas mal pris. Parce que c'est pas parce que l'on découvre des processus qui nous manipulent qu'on est plus manipulé. On est vachement moins manipulable. Puis là, on peut faire de quoi? Mais on a toujours été comme ça, alors on n'est pas pire parce qu'on le sait, on l'a toujours été. Hein? On est mieux parce qu'on le sait. Ça change pas ce que c'est qu'on est pareil. Non, c'est ce que tout à l'heure j'ai dit, ça changera rien. Tu es mieux pareil parce que tu le sais. Ça change rien pour l'instant. Ça va changer de quoi quand tu vas réellement le vivre? Un fou qui est fou est mieux qu'un fou qui ne sait pas qu'il est fou. Un dieu puis un fou sont pareils. L'un le sait, l'autre l'ignore. Mais il y a une bonne différence. C'est que le fou qui est Dieu n'a pas besoin du fou qui est fou. Et le fou qui est fou est toujours en recherche du fou qui est Dieu. Puis comme tu es un fou qui est fou, Daniel, tout à l'heure quand tu parlais que on est toujours porté à vouloir se voir comme le tout, est-ce qu'un peu pour en venir à cette séparation-là, disons, comme l'aveugle qui voit pas du tout l'extérieur de son corps, peut pas se servir de sa personnalité ou de l'impression qu'il peut donner chez les gens, est-ce qu'il y a possibilité à ce moment-là qu'en faisant l'analyse de son corps, comme tu nous montres des fois, là, à aller chercher chaque cellule, de comprendre le fonctionnement de chaque cellule, de voir l'utilité de son corps séparément de sa psychologie, est-ce que l'individu, un peu comme l'aveugle, qui est capable de détacher tranquillement, je te dis pas que l'aveugle n'a pas d'autres problèmes au niveau psychologique, là, ou si c'est pas accaparer d'autres problèmes, mais au niveau de ce que nous autres, on veut personnifier devant les gens, au niveau de la personnalité, de l'identification et compagnie, là, ça c'est notre astral complet, est-ce que le physique, si on réussit à le détacher tranquillement, à un moment donné, on ne pourra pas arriver avec le vital, arriver avec le juste pour voir vraiment que l'astral, c'est ça, puis que le vital, il est différent, puis que le physique, il est différent. Je ne sais pas si tu comprends ma question. Ben, une chose qui est sûre, c'est que c'est exactement ce qu'on fait présentement, au niveau des cours. L'homme psychologique qui apprend par une méthode obligatoire à donner un schéma d'évolution à son plan physique, selon les lois du physique, même chose au niveau de son plan vital, même chose au niveau de son plan psychologique, même chose au niveau de son plan mental. Il reste un homme psychologique, mais il a un avantage sur l'homme psychologique conventionnel, qu'il ne force plus les plans à évoluer selon les lois de l'astral, mais il va obliger les plans, disons, il croit obliger, mais en réalité, les plans vont être bien contents, à évoluer selon les lois qui les régissent eux-mêmes. Ce qui ne peut faire autrement que d'amener l'individu psychologique, à un moment donné, à être détruit. C'est un suicide. Le PMC, c'est un suicide. Parce que la manière que je le voyais, là, c'était un peu comme si je me regardais plus dans le miroir. Puis que je voyais simplement mon corps physique faire ce qu'il y a à faire. Il a vieilli, il vieillit, même que tu le sens, des fois, tu t'assis, tu dis, mon Dieu, je suis donc fatigué, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Sans nécessairement, là, les gens vont dire, bon, c'est vrai que tu as l'air fatigué. Aussitôt, il y a une approbation qui se fait au niveau physique. Mais c'est pas nécessairement ça, c'est comme un détachement, si tu veux, qui est perçu. Puis ton vital, à ce moment-là, automatiquement, vu qu'ils sont reliés, s'en ressent, ou tu le perçois différemment, je sais pas, là. Puis ton astral, à un moment donné, t'a dit, bon, pourquoi faire là que t'es fatigué, là? On dirait que c'est là que l'astral, dans ce sens-là, vient s'accaparer tous ces deux plans-là pour faire l'analyse un peu de toute bon, la situation. L'analyse doit être faite au niveau avec le plan mental, non pas avec le plan de l'astral. L'analyse, simplement, c'est que le plan mental est capable de faire des relations logiques entre deux choses, excluant les désirs. Donc, automatiquement, si tu fais une relation mentale, tu observes un mécanisme physique, tu observes les lois régissant le mécanisme du physique et tu observes, tu fais juste faire une relation entre ce que tu as fait et ces lois-là. Ce qui t'amène à comprendre pourquoi tu as une cirrhose du foie, le pourquoi tu es fatigué, le pourquoi tu as un genou qui fait mal, le pourquoi différentes raisons. Et automatiquement, à partir du schéma mental, l'homme psychologique qui essaie de s'obliger à laisser les lois régissant les plans régir les plans, va essayer de s'arranger. Non pas pour excuser le fait qu'il ait une cirrhose ou etc., ou qu'il soit fatigué, il va simplement essayer de s'arranger pour obtenir mentalement un schéma de vie, faire un programme d'un schéma de vie qui va tenir compte des lois du physique, des lois du vital, des propres lois de l'astral et des lois du mental. Si l'individu ne fait de relation qu'au niveau du plan de l'astral, il va simplement se choquer du fait qu'il est fatigué, trouver qu'il n'est pas normal, vouloir faire du conditionnement physique pour pallier à une débauche psychologique. Parce que tu ne fais pas du conditionnement physique habituellement parce que ton corps est fatigué, ou ton corps n'est pas en forme, parce que ta psychologie souffre de voir le corps pas en forme. Alors, continuellement, l'homme psychologique va faire une démarche impressionnante, mais toujours en rapport avec des désirs, et des peurs et des fuites. Si c'est mental, automatiquement, tu vas faire une chose qui est intelligente parce que reliée. Et c'est intelligent, pas parce que c'est intelligent pour le plan mental, parce que c'est intelligent pour le plan auquel on s'adresse. Et le plan mental peut faire une relation correcte. Autrement dit, il ne dira pas que le corps physique doit donner 350 000 coups plus. Il n'ira pas faire de relation mathématique au niveau du plan physique. Le plan physique a certaines restrictions, certaines obligations, certaines limites, certaines dépendances, et il y a certaines lois qui le régissent. Le plan mental est à cela d'intelligent, même si c'est artificiel parce que relié à l'expérience, donc ce qu'il ne connaît pas, il ne peut s'en servir. Il prendra au moins ce qu'il connaît pour faire en sorte que le plan physique travaille dans ce qui, dans les énergies qui lui sont données. Mais si tu regardes ton visage et que tu vois que tu vieillis, puis que tu dis « bof, c'est pas grave le corps physique, c'est pas grave le corps physique », c'est simplement que l'homme psychologique qui s'identifie au corps physique, au corps vital et aux autres corps, détermine à un moment donné que son identification ne contiendra plus le plan physique et qu'elle va se limiter au vital à l'en montant. Mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est le même processus, sauf que tu bannis un corps du processus d'identification de l'homme psychologique. Alors, mon corps physique, ben, ceux, par exemple, qui se plantent des aiguilles tout partout, ceux qui ne le lavent jamais, ceux qui sont tout nus dans l'Himalaya, même en plein hiver, ceux qui font souffrir leur corps physique, parce que supposément qu'on ne doit pas attacher d'importance à la forme, ceux-là sont des êtres psychologiques qui ont simplement banni le plan physique de leur identification. Alors, à un moment donné, ben, je vieillis, mais c'est pas bien grave. Je fume, puis c'est pas grave. Je veux dire, mon énergie mentale, supramentale, à un moment donné, va venir clarifier tout ça. Ben, mon énergie va venir clarifier tout ça. Ça, c'est l'homme psychologique qui voit ça et qui comprend ça. Qui comprend rien, disons-le bien. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, si tu es intelligent, tu regardes ton plan physique qui vieillit. Cela ne te touche pas psychologiquement. Par contre, est-ce que logiquement, selon toutes les possibilités qui t'entourent, le corps physique pourrait être mieux? Et le corps physique, tu le sais de par ton énergie mentale et de par l'expérience, c'est l'entité qui permet l'expression des énergies dans le plan matériel. Et c'est celui qui va être capable aussi de permettre la communication avec les énergies supérieures. Alors automatiquement, de par le plan mental, non pas de par le plan astral, tu vas tendre à vouloir perfectionner ton corps physique selon une perfection en rapport avec l'utilité qu'il doit en faire. Si tu arrives à être musclé comme l'homme de 6 millions... rembourré, là, tu fais juste exprimer ta psychologie, mais pas une intelligence. Alors, il y a certaines conditions intelligentes qui sont reliées aux lois qui régissent le plan matériel, et le plan mental veille à ce que cela soit fait. Ça, c'est dans un homme psychologique qui arrive à se forcer à mettre en application une évolution qui est conséquentielle. Autrement dit, l'homme psychologique apprend de l'être réel qu'effectivement, l'évolution ne se fait pas si l'être réel n'évolue pas. Et l'être réel évolue sur tous les plans, pas juste dans le plan psychologique. Et l'évolution de l'homme conventionnel ne vise qu'une évolution que dans le plan psychologique. Une évolution pour te rassurer, une évolution pour ne plus avoir de problème, une évolution pour tout connaître, pour avoir encore moins peur, une évolution pour être Dieu, pour avoir de problème, une évolution toujours dans le plan psychologique. Où on s'accapare des énergies de l'être réel dans les différents plans que l'on connaît d'une façon ésotérique, mais qui n'existent pas dans l'être psychologique, on s'en accapare pour essayer de poursuivre une évolution psychologique, essayer de recréer l'évolution réelle dans l'évolution de l'homme psychologique. C'est une aberration. Alors, quand ton corps vieillit, ça ne te dérange plus, sauf que tu vas faire en sorte que si, selon les lois régissant le physique, il y a quelque chose à faire, que tu le fasses. Mais pas parce que la psychologie... va exclure de l'identification le corps physique, ce qui fait que tu peux vieillir, c'est plus grave. Tu as des cicatrices partout, c'est pas grave. Tu te laves une fois par année, mais c'est pas grave. Le plan physique, on ne doit pas s'en occuper. Tu sais, la personne qui s'arrange un peu le physique, c'est une personne qui n'évolue pas. Non, ben c'est la personne qui ne se l'arrange pas et la personne qui se l'arrange sont des êtres psychologiques au même point. Un, elle va simplement inclure le plan physique, l'autre l'exclut.